Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Pierre Ducalvet, marchand et libre penseur. Pierre Ducalvet est avant tout une sorte de porte-parole d'un idéal qui est à la fois français et anglais. C'est vraiment une charnière entre les deux nations, si vous voulez. Porte-parole d'un idéal à la fois français et anglais, la formule de l'historien Jacques Ruellan pour définir la figure de Pierre Ducalvet est assez belle. Extrait de l'émission Dialogue en août 1986, Pierre Ducalvet est en effet l'homme de son temps et le reflet de son époque. Ducalvet débarque en Nouvelle-France en 1758, juste avant la conquête anglaise, quelques années avant que les 13 colonies américaines déclarent leur indépendance et au moment où les idées des philosophes des Lumières sont sur le point de conduire la France vers sa révolution. S'intéresser au parcours et à la pensée de Pierre Ducalvet, c'est plonger dans ce Québec de la fin du 18e siècle, colonie britannique depuis peu, où l'influence des idées révolutionnaires françaises et américaines vont s'entremêler. Pierre Ducalvet, pour moi, est un personnage fascinant, audacieux, presque un aventurier. Son aspect polyvalent, finalement, m'a toujours fasciné. C'était, on l'a dit, un commerçant qui était très prospère, malgré tout. C'était un noble hein, qui avait eu des lettres comme quoi ils avaient le droit de faire du commerce par le roi, parce que les nobles n'avaient pas le droit de faire du commerce. Et cette richesse-là, cette prospérité-là, l'a amené à s'impliquer dans différents aspects de la société à l'époque. Tant politique, comme on l'a dit, il est à l'origine, au fond, de l'Assemblée législative ici, qui a été réclamée. Et toute son action était orientée vers la liberté. C'était un homme de démocratie. Il a été très bien suivi dans ce sens-là par Papineau. C'était un ami du notaire Joseph Papineau, un ami très proche, le père de Louis-Joseph. Et au point même que le petit-fils Amédée Papineau a fait apposer une plaque à ses propres frais sur la maison Calvet qui est au coin de Saint-Paul et Bonsecours. Et c'était un lieu d'échange chez lui. Benjamin Franklin est allé chez lui. Ils ont parlé ensemble à propos de la collaboration que les Canadiens pouvaient apporter aux fils de la liberté. Alors c'est un milieu complet finalement qu'on pouvait retrouver chez Calvet. Ça devait être une vie extrêmement intéressante. Gaétan Trottier, propriétaire jusqu'à tout récemment encore de la maison Calvet dans le Vieux-Montréal, à l'émission Libre Parcours du 15 avril 1986, pour nous raconter le parcours de Pierre Ducalvet, nous parler aussi de sa pensée politique. Mon invité est Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC et collaborateur régulier à l'émission. Éric Bédard, bonjour. Oui, bonjour. Parle-t-on de l'extrait qu'on vient d'entendre, Éric Bédard. Quelle importance il aura, Pierre Ducalvet, dans l'histoire de nos institutions, dans l'organisation de notre vie politique également? Et comment il se situe par rapport à un Louis-Joseph Papineau, par exemple, dont il était question dans l'extrait, ou d'un Pierre Bédard, dont vous nous parliez récemment? La différence majeure, c'est qu'il n'a pas été un chef politique. Ouais. Il n'a pas été à la tête d'un parti politique bien organisé. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas de chambre d'assemblée, donc ce n'était pas vraiment concevable. Mais il a été certainement un chef de file. Il a été une inspiration avec un livre majeur, un livre important, un livre précurseur, Appel à la justice de l'État, dont on reparlera. Et il ressemble un peu à Pierre Bédard en ce sens où lui aussi sera emprisonné sans procès et lui aussi exigera que l'on fournisse les preuves des chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Et puis il y a une filiation entre ces trois hommes, Ducalvet, Papineau, Bédard, là, il y a vraiment une pensée politique. Oui. Voilà, qui se poursuit, qui avance dans le temps. Parlons des origines de Ducalvet. Il naît dans la région de Toulouse en 1735. À quel milieu il appartient? Alors, c'est, comme le dit un des anciens propriétaires de sa maison, d'une noblesse, mais d'une noblesse à cause du dû, hein, la particule Ducalvet, mais une noblesse un peu déchue, puisque ses ancêtres étaient des Huguenots. Alors, en pleine guerre des religions, à la fin du 16e siècle, un de ses ancêtres verra sa tête coupée. Enfin, il ne va pas la voir, puisqu'elle va être coupée. Donc, ça tourne très, très mal pour son ancêtre. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la révocation de l'édit de Nantes de 1685, décrété par Louis XIV, cet édit de Nantes qui visait une certaine tolérance à l'égard des protestants, des Huguenots, alors les protestants ont deux choix. Soit ils s'exilent, et la plupart sont allés dans le nord de l'Europe, soit ils se convertissent. Ouais. C'est le cas, d'ailleurs, de mon ancêtre, ah Isaac bon. Bédard. d'art de La Rochelle qui s'est converti juste avant de venir ici. Alors, la plupart des frères et sœurs de Pierre du Calvet avaient été baptisés dans la religion catholique. Lui restera un protestant. Il arrive ici, donc les protestants, son biographe Jean-Pierre Boyer insiste là-dessus, il a raison. Les protestants ont souvent culturellement un rapport direct au livre, à la Bible. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et les Saintes Écritures. Donc, ça peut expliquer aussi sa liberté de penser à Pierre du Calvet. Il a très tôt lu. Et ensuite, il quitte, vous l'avez dit, il quitte en avril 1758 du port de Bordeaux, en pleine guerre de la conquête. Et Pourquoi Éric Bédard? C'est très mystérieux. Est-ce que ce sont des raisons religieuses ou encore l'idée qu'il veut faire des affaires? On l'a dit, en France, pour un noble, c'était peut-être plus compliqué. C'est un peu mystérieux. On sait que cette première traversée tourne très mal. Son bateau va s'échouer à 100 milles de Québec. Il va tout perdre. Mais peut-être parce qu'il avait des origines de la noblesse, il était issu d'une bonne famille. Aussitôt arrivé, on va lui confier des responsabilités assez importantes. Le gouverneur Vaudreuil va lui demander d'aller en Acadie, de s'occuper des Acadiens qui ont été déportés. Il s'occupera des approvisionnements dans la région de Miramichi et de Restigouche au Nouveau-Brunswick. Et puis après la capitulation de Montréal en 1760, il se voit confier une autre mission en Acadie, cette fois-là par les Britanniques. Ça, c'est assez intéressant parce que ça laisse entendre la mission qu'il accepte des autorités britanniques qu'il les appuie. Donc, oui, en même temps, il y a des écrits qui montrent le contraire. C'est un peu mystérieux. On a, Jean-Pierre Boyer publie des lettres qu'il a envoyées à son père quelques jours après la bataille de Sainte-Foy, la victoire de Sainte-Foy par Lévis, puisque Montcalm était décédé. Qui montre que Du Calvet était de tout cœur avec la France, son pays d'origine. Mais ce qui est un peu mystérieux, c'est qu'en effet, une fois la capitulation signée, au lieu de retourner en France, ce qui a été le lot de bien des Français de l'époque, y compris plusieurs marchands, plutôt que de retourner en France, il rencontre James Murray. James Murray parle bien français et Murray lui confie une mission, celle d'aller justement surveiller les Acadiens qui parfois interceptent des bateaux anglais, et il accepte cette mission. C'est un peu mystérieux, puisque dans la capitulation de Montréal, l'article 17 prévoyait que tous les Français qui voulaient retourner en France pouvaient le faire sans problème. Or, son biographe nous dit que ça lui prenait la permission pour retourner en France. Enfin, c'est un peu mystérieux, cette histoire. Toujours est-il qu'il va quand même, il va revenir de cette mission, il va tout de suite aller dans le commerce, travailler dans le domaine du commerce. Ses premières années, c'est vraiment ça. C'est un négociant, c'est un homme qui est comme on dit souvent, dans l'import-export. Il approvisionne la colonie en produits anglais. Il fait affaire avec une entreprise anglaise basée à Londres. Donc, en retour du blé, des pois, de la fourrure qu'il exporte, il importe des vins et des produits domestiques. Et les choses vont tellement bien qu'en 1766, il devient tout naturellement un notable. Un peu plus tard, il va devenir d'ailleurs même seigneur. Il va faire l'acquisition d'une seigneurie qui donne sur la Yamaska. Il devient suffisamment prospère, un notable, et on le nomme juge de paix en 1766. Et comme juge de paix, là, c'est vraiment intéressant, il va se faire remarquer, il va à la fois se distinguer, mais il va aussi se faire détester. Pourquoi? Par ses pairs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, juge de paix, c'est intéressant, puisqu'il peut avoir accès aux professions, aux métiers de la colonie, aux charges officielles de la colonie, puisqu'il est protestant, puisqu'il n'est pas soumis au fameux serment du test qui exclut les catholiques d'office, à moins que ceux-ci abjurent leur foi. Donc, il est juge de paix, mais c'est un juge de paix qui prend son travail très au sérieux et qui se met à critiquer ses collègues, les autres juges de paix. Il trouve qu'ils font du mauvais travail, qu'ils bâclent leurs décisions. Il va même plus loin. Il soupçonne plusieurs de ses collègues d'être corrompus, de se laisser acheter. Et donc, il va comme ça critiquer, notamment un certain John Fraser, avec qui il aura maille à partir. Il en viendra au coup avec lui en juin 1771. Et en octobre de la même année, sa maison est attaquée. Donc, c'est un homme qui, visiblement, c'est une tête forte, qui dit ce qu'il pense et qui n'apprécie pas, disons, le système de justice qui préside aux décisions dans la colonie. Libre penseur, on le disait. Oui. C'est quelqu'un aussi qui va s'intéresser beaucoup à la politique de son temps. Et ça nous amène à faire une petite parenthèse, mais c'est important de le faire, parce que le contexte politique, l'acte de Québec, l'adoption de l'acte de Québec en 1774, le mouvement des indépendantistes américains plus tard va à peu près en même temps, en fait, auront une incidence importante directe sur la vie de Pierre Ducalvet. On reviendra sur cette portion-là, mais un peu de contexte. Oui. D'abord, l'acte de Québec. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ben, l'acte de Québec, dans le fond, plusieurs disent que c'est la première reconnaissance d'une société distincte pour les Anglais à l'égard des Canadiens, c'est-à-dire qu'on abolit le serment du test, on reconnaît le droit civil qui peut avoir cours sans que ça pose trop de problèmes, reconnaissance implicite de la religion catholique, le clergé peut percevoir la dîme et on peut procéder à la nomination d'un évêque. Alors, donc, c'est bon, mais dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que justement, cet acte de Québec est adopté alors que ça grogne, il y a une grogne dans les 13 colonies américaines qui n'acceptent pas les taxes qui sont imposées par la Grande-Bretagne à la suite de la guerre de 7 ans. Et cet acte de Québec qui va, en plus de ce que je vous ai dit, permettre un élargissement du territoire et qui va aller jusqu'au Grand Lac, ce qui est absolument inacceptable pour les Américains, donc va être une des lois considérées comme intolérables et avec d'autres, bien sûr, et va éclater durant les mois qui vont suivre. Une des cinq lois que les Américains de ces 13 colonies là, sur la côte est jugent inacceptables. Absolument. De la part de Londres. Et donc éclate cette guerre d'indépendance entre les 13 colonies américaines et leur métropole, la Grande-Bretagne. Et ça aussi, c'est l'autre élément du contexte qui rattrapera Pierre Ducalvet, c'est que dans la foulée, dans cette marche en fait des 13 colonies vers l'indépendance, il y aura des appels de phare qui seront faits par les indépendantistes américains aux Canadiens. On écoute justement un extrait de ce qu'on va appeler l'appel à la solidarité lancé par les colonies américaines aux Canadiens en 1774. C'est Michel Kelly que vous entendez dans cet extrait. Nous, les délégués des colonies, ayant été députés par les habitants des dites colonies pour les représenter dans un congrès général à Philadelphie, avons jugé à propos de nous adresser à votre province comme à une de ces parties qui y est des plus intéressées. Nous ne requérons pas de vous dans cette adresse d'en venir à des voies de fait contre le gouvernement de notre souverain. Nous vous engageons seulement à consulter votre gloire et votre bien-être et à ne pas souffrir que des ministres infâmes vous persuadent et vous intimident jusqu'au point de devenir les instruments de leur cruauté et de leur despotisme. Nous vous engageons aussi à vous unir à nous par un pacte social fondé sur le principe libéral d'une liberté égale et entretenu par une suite de bons offices réciproques qui puissent le rendre perpétuel. À dessein d'effectuer une union si désirable, nous vous prions de considérer s'il ne serait pas convenable que vous vous assembliez chacun dans vos villes et districts respectifs pour élire des députés de chaque endroit qui formeraient un congrès provincial duquel vous pourriez choisir des délégués pour être envoyés comme les représentants de votre province au congrès général de ce continent qui doit ouvrir ses séances à Philadelphie le 10 de mai 1775. Extrait de l'émission La vie comme une histoire en 2011. Michel Keb, donc, qui lisait un extrait de l'appel à la solidarité que vont lancer les indépendantistes américains aux Canadiens. Quel écho ça aura chez nous, Éric Bédard, cet appel-là? Alors, c'est difficile à savoir. Certainement qu'il y a une sympathie. Il y a un appel des délégués du Massachusetts de février 1775. Il y a ensuite un appel en bonne et due forme qui est lancé par le Congrès américain le 27 mai 1775. Évidemment, ça circule un peu. C'est édité par un certain Fleury de Mesplet. Ça circule un peu. L'évêque brillant du Québec somme les Canadiens de ne pas suivre ces idées qui sont pour lui très, très dangereuses. Et pour dire très vite, là, il y aura deux armées finalement qui seront envoyées. L'armée de Richard Montgomery à Montréal. Montréal sera américain pendant quelques mois. Et l'autre armée de Benedict Arnold qui sera envoyée à Québec. Maintenant, on sait qu'il y avait une certaine sympathie. Ouais. Il y avait des poches, on pourrait dire, de sympathie. Par exemple, le 1er mai 1775, c'est souvent évoqué par les historiens, le buste de George III, roi d'Angleterre, qui est en plein Montréal, sera profané. On va entourer son cou d'un collier de patates et quelqu'un va écrire « Voilà le pape du Canada et le sceau anglais hein? ». Et un certain Valentin Jotard, un libre penseur très inspiré par les Lumières, va, lorsque les troupes américaines sont en direction de Montréal, va écrire une adresse que va signer Pierre Ducalvet, on y reviendra. Mais cette adresse est extrêmement positive. Hein? Je lis un extrait. « Les ténèbres dans lesquelles nous étions ensevelis sont enfin dissipées. Le jour, lui, nos chaînes sont brisées. Une heureuse liberté nous rend à nous-mêmes, liberté depuis longtemps désirée. Le discours dont nous usons aujourd'hui témoigne à nos frères des colonies représentées par vous, Monsieur le général Montgomery, la satisfaction que nous ressentons de notre union. » Alors, il y a plusieurs personnalités qui seront aux côtés de Valentin Jotard. Il y aura notamment Pierre Ducalvet. Oui. Et donc, il y aura une rencontre, il y aura une grande sympathie de Ducalvet et de quelques autres pour les troupes américaines. Et dans l'extrait qu'on entendait, un des extraits au début de l'émission, le propriétaire de la maison Ducalvet faisait remarquer que Ducalvet recevra chez lui même Benjamin Franklin. Exactement. Donc, après avoir occupé Montréal pendant quelques mois, Benjamin Franklin vient à Montréal. Il est reçu justement notamment chez Pierre Ducalvet. Il rencontre ses personnalités, Jotard, Ducalvet et quelques autres. Et bon, pour voir la situation, mais finalement... Mais ça nous dit quoi sur les rapports qu'a vraiment Ducalvet avec ses Américains, ses indépendantistes américains? Bon, alors là-dessus, c'est un peu mystérieux, puisque ces vieux ennemis dont on vient de parler, là, qui le détestaient tant parce qu'il les avait dénoncés, vont tout de suite voir en lui un traître. Alors, on croit, on sait qu'il a approvisionné l'armée américaine en nourriture, certainement pendant pas en armement, pendant l'occupation. Est-ce qu'il a joué un rôle même plus actif au plan militaire, selon son biographe? Pas vraiment. On a confondu Ducalvet avec un autre personnage. Mais en tout cas... Qui portait le même nom. C'est très bizarre, en effet. Mais en tout cas, chose certaine, on sait qu'il était sympathique. On sait qu'il a travaillé à l'approvisionnement de l'armée américaine. Et ça sera, évidemment, porté là, à charge. Oui. Il faut dire que après le retrait des Américains, Londres envoie, puis ça va compter dans l'équation et ça va nous ramener à notre ami Ducalvet, Londres envoie un nouveau gouverneur, Frédéric Haldimand. Qui est cet homme, Éric Bédard, et qu'est-ce qu'il a pour mission? Exactement. Alors là, il arrive justement, Haldimand, dans un moment où l'Angleterre est en guerre contre ses colonies américaines. C'est un mercenaire, donc c'est un homme là, qui vient rétablir l'ordre. Il est d'origine suisse, il parle très bien français. On dit même qu'il parlait plutôt mal l'allemand. Il est là pour rétablir l'ordre, pour dénicher les traîtres, et dans un contexte où la France, donc l'ancienne mère patrie, là, qui vient tout juste de perdre la guerre de 7 ans, la France appuie en plus les rebelles américains. Ouais. Donc dans un contexte où on peut, je veux dire, vraisemblablement se méfier de ces gens. Et dans ce contexte-là, eh bien, il y a des gens autour de Valentin Jotard et de Pierre Ducalvet, notamment Fleury de Mesplet, qui vont fonder un journal, donc dans un contexte très courageux, on peut imaginer, la Gazette littéraire de Montréal, qui est un journal clairement influencé par l'esprit des Lumières. Et c'est dans ce contexte-là, donc de suspicion générale, que Ducalvet va être arrêté et emprisonné le 27 septembre 1780. De quoi on va l'accuser? Ben justement... Justement, on va l'accuser de haute trahison, mais Pierre Ducalvet demande à voir quelles sont les preuves de la couronne contre lui. Et aussitôt qu'il est emprisonné, il est d'abord emprisonné sur un bateau, il va être changé de prison à plusieurs reprises. Il va passer 948 jours en prison. Il va être libéré le 2 juin 1783. Il va envoyer de multiples lettres, non seulement au gouverneur Haldimand, mais à des ministres anglais. Il va même écrire une lettre au roi. Et il va toujours vouloir être non seulement libéré, mais avoir les preuves et... Jamais on va lui donner aucune indication. Et à sa libération, il est vraiment tenace, pugnace, Ducalvet. Il sort de prison en 1783. Il se rend à Londres. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire à Londres? Alors, il se rend à Londres parce qu'il veut absolument qu'on amène Haldimand en justice. Il veut d'abord rétablir sa réputation, parce qu'oubliez pas que c'est un négociant, c'est un marchand. Et il veut que Haldimand soit non seulement destitué, mais qu'on l'accuse d'avoir outrepassé les règles du constitutionnel britannique, de ne pas avoir respecté l'habeas corpus. Et donc, il rencontre des ministres très influents, il rencontre des personnalités, mais ça ne donne pas du tout ce qu'il souhaite. Ce qui fait qu'il va se tourner vers l'écriture, vers la sensibilisation de l'opinion publique. Il y aura un premier livre, The Case of Pierre Calvet, qui sera publié. Puis en 1784, en juillet, la même année, en fait, quelques mois plus tard que la publication de Case of Pierre Calvet, un ouvrage qui aura un retentissement certain, Appel à la justice de l'État. On écoute l'historien Jean-Paul Delagrave en résumer la teneur à l'émission Dialogue en août 1986. L'appel à la justice de l'État qu'il a écrit, c'est en premier le cri d'une victime, parce que c'est un homme qui a été emprisonné durant 3 ans pour ses idées. L'appel à la justice de l'État lui-même, c'est le cri fait au nom de d'autres victimes. Parce qu'en réalité, le gouverneur Haldimand avait plus de pouvoir à Québec que le roi à Londres. Alors, c'est ça qui prouve d'ailleurs dans son appel à justice de l'État, qui est une accumulation, en somme, de faits à partir de documents, de faits que lui a vécu, dont il a été témoin ou dont il a entendu parler. Alors, à l'aide de l'appel à justice de l'État, il montre que là, les libertés sont pratiquement supprimées dans une des colonies britanniques et il demande que ce soit rétabli. Donc, cet appel à la justice de l'État, c'est à la fois une dénonciation et presque un programme politique. Et c'est très moderne, puisque au fond, et on l'a dit, il se tourne vers l'opinion publique, incapable. Et ça, c'est nouveau, là. On est au 18e siècle. C'est tout à fait dans l'esprit des Lumières du 18e siècle. On veut convaincre l'opinion publique. Et donc, l'appel à la justice de l'État, ça regroupe des lettres qu'il a envoyées un peu à toutes sortes de gens, mais aussi une lettre la plus importante, une lettre écrite aux Canadiens, un épître écrit aux Canadiens. Et il écrit au jeu, donc c'est une sorte, en même temps, d'autobiographie qui dresse le programme de ce qui doit changer dans la colonie. Et qu'est-ce qui doit changer? Bien, évidemment, il faut restaurer l'habeas corpus, donc avoir droit à un procès lorsqu'on est, on est arrêté, et donc respecter la loi anglaise. Il faut absolument que le gouverneur soit justiciable des lois de la province, donc plus d'arbitraire. Si le gouverneur outrepasse les lois, il doit être puni, il doit aller devant un procès. Ensuite, il faut instituer une assemblée du peuple. Ça, c'est très important et c'est très nouveau. Et cette assemblée, dit-il, serait responsable des taxes dans les et c'est tout à fait conforme à l'esprit du droit britannique, des institutions britanniques. Alors, ce serait le meilleur moyen de contrôler les dépenses. Il veut aussi, c'est très original, nommer 6 sénateurs à Londres qui seraient sélectionnés parmi les gentilshommes anglais. Il veut la liberté de la presse et il veut aussi plus d'éducation pour la jeunesse. Donc, c'est un programme très ambitieux. Quel impact, et ça nous amène tout de suite à parler de son héritage, au fond, quel impact aura, parce que c'est son œuvre majeure, cet appel à la justice de l'État? Eh bien, la même année de la publication de ce livre, il y aura une pétition qui sera acheminée à Londres, une pétition signée par 2291 sujets, anciens et nouveaux, donc des Français et des Anglais, nouvellement arrivés, qui réclament une chambre d'assemblée et des gros changements, et ça débouchera très rapidement sur l'acte constitutionnel de 1791. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.